إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمته عليكم إذ هداكم للإسلام وخصكم بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأغنى به من العيلة، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمر الله سبحانه وتعالى باتباع هذا الرسول، أمر الله باتباعه وطاعته وتكريمه وتوقيره والتسليم عليه، وأوجب علينا أن نحبه بعد محبة الله أعظم مما نحب أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. إن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حذرنا أن نحدث في دينه ما ليس منه. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونهانا عليه الصلاة والسلام أن نغلو في حقه وأن نرفعه فوق منزلته التي أكرمه الله بها، وهي العبودية لله والرسالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. Chers musulmans et musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et rappelez-vous sans cesse ce bienfait dont Allah azza wa jal vous a comblé en vous guidant à l'islam et en vous envoyant le prophète de la miséricorde alayhi salatu wassalam, qu'Allah a envoyé avec la guidée et la religion de vérité, un prophète par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens et les a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Il leur a ouvert les yeux après qu'ils étaient aveugles et il les a enrichis après avoir été pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, selon le sens, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre ainsi que la sagesse, bien qu'ils furent auparavant dans un égarement évident. Et Allah Azza wa Jalla nous ordonne de suivre ce prophète, de lui obéir, de le respecter comme il se doit. Et il nous a ordonné, subhanahu wa ta'ala, de l'aimer, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que l'on aime nos propres personnes, plus que notre amour envers nos parents, nos enfants et l'ensemble des personnes. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, a mis en garde sa communauté contre le fait d'innover dans la religion et d'ajouter ou d'assimiler à la religion ce qui n'en fait aucunement partie. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde aux choses innovées, car toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est égarement. Et il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement, il se verra alors rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'exagérer à son sujet et de l'élever au-dessus de la place sur laquelle l'a placé et de l'élever au-dessus de la place que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le serviteur d'Allah et l'envoyé d'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, n'abusez pas à mon sujet comme ont abusé les chrétiens à l'égard du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dit le serviteur d'Allah et son prophète. لكن مع هذا البيان والتحذير تجاوز بعض الناس حدود الله وشرعه فأحدثوا البدع والخرافات والمخالفات وجعلوها من الدين وصاروا يحرصون عليها ويحيونها ويتركون الفرائض والسنن النبوية أو يتساهلون بها ومن ذلك ما يكررونه كل عام في شهر ربيع الأول الذي نحن على أبوابه مما يحدثونه من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار كأنه عيد من الأعياد الشرعية كعيد الفطر وعيد الأضحى مع أن هذا الاحتفال محدث في دين الله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون ولم تفعله بعدهم القرون المفضلة التي هي أفضل قرون الأمة وإنما حدث هذا الاحتفال في القرن السادس من الهجرة أحدثه بعض الجهال أو الضلال مضاهاة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام لو كان هذا الاحتفال حقا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولو بينه لما خفى على خلفائه وصحابته حاشا وكلا لقد كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتهم لأنفسهم وكانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا يليق بمقامه حتى قال بعض المشركين لما رأوا تصرفات الصحابة رضي الله عنهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال لما رجع إلى قومه أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا فلماذا إذن أيها المسلمون لماذا ترك الصحابة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب إنما تركوه لأنه ليس من الدين ولأنه تشبه بالنصارى وقد حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالنصارى Chers musulmans et musulmanes, malgré ces avertissements du prophète alayhi salatu wassalam de ne pas innover dans sa religion et de ne pas exagérer à son sujet sallallahu alayhi wa sallam et de le placer dans une et de l'élever plus au-dessus de la place que lui a accordé Allah subhanahu wa ta'ala, malgré toutes ces explications claires et évidentes, certaines personnes ont outrepassé les limites d'Allah et ont outrepassé la législation d'Allah Azza wa Jal. Ils ont ainsi innové dans la religion. Ils y ont ajouté des coutumes. Ils y ont ajouté des choses fausses. Ils y ont ajouté des actes qui contredisent l'islam et assimilé toutes ces choses à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des personnes extrêmement motivées dans leurs innovations. Ils ne cessent de les faire revivre. Ils ne cessent de les renouveler. Et tout ceci en délaissant de l'autre côté les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien en faisant preuve d'un immense laxisme vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces innovations, chers musulmans et musulmanes, ce qui est répété chaque année pendant le mois de Rabi al-Awwal, un mois qui va bientôt rentrer, il rentrera soit demain, soit après-demain. Des gens innovent durant ce mois la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de considérer cela comme une fête légiférée, comme une fête musulmane, au même titre que la fête de Al-Fitr, Eid al-Fitr, la fête de la fin du Ramadan et la fête du sacrifice. Alors que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une chose innovée dans la religion de l'islam. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a célébré, ni ses califes bien guidés ne l'ont célébré, ni ses nobles compagnons ne l'ont célébré. Et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été célébrée dans aucun des siècles bénis. Les meilleurs de cette communauté, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs siècles ou la meilleure génération, les meilleures générations sont ma génération, puis ceux qui m'ont suivi, puis ceux qui m'ont suivi. Cette innovation de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparue dans le 6e siècle après la Hijra. C'est une innovation qui a été ajoutée par des ignorants, par des égarés qui ont voulu faire concurrence aux chrétiens dans leur célébration de la naissance de Isa alayhi salam. Si il y avait un quelconque bien à célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de l'enseigner à sa communauté. Et s'il l'avait enseigné à sa communauté, cela n'aurait pas échappé à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le prophète alayhi salatu wa sallam d'un amour immense. Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leur propre personne. Ils donnaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam une importance extrêmement grande, au point que certains polythéistes, lorsqu'ils ont vu le comportement des compagnons radiyallahu anhum le jour de l'Hudaybiyah, lorsqu'ils sont retournés chez les polythéistes de la Mecque, ils leur ont dit au peuple: nous avons visité et nous nous sommes rendus chez divers rois, les rois de Kisra et de Qaïsar, les rois d'Abyssinie, et par Allah, nous n'avons jamais vu un roi qui est aussi respecté par ses disciples et ses administrés. Nous n'avons jamais vu un roi qui est aussi respecté par ses administrés que la façon par laquelle respectent les compagnons de Muhammad Muhammad. Pourquoi donc ces compagnons radiyallahu ta'ala anhum, qui aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien plus que nous, pourquoi alors ont-ils délaissé la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est: car la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait aucunement partie de la religion de l'islam. Et parce que la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à imiter les chrétiens. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre l'imitation des chrétiens. أيها المسلمون إن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم باطل ومحرم من عدة وجوه. أولا إنه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة، ولن يستطيع الذين يرون إقامة هذا المولد أن يقيموا عليه دليلا من الشرع. ثانيا أنه مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثاً، أنه كثيراً ما يقع فيه منكرات ومحرمات، أعظمها الشرك بالله، من نداء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وإنشاد القصائد الشركية في مدحه عليه الصلاة والسلام كقصيدة البردة وأمثالها. رابعاً، أنه ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، فمن أحدث عيداً ثالثاً فقد أحدث في الإسلام ما ليس منه. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وإسناده صحيح. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, que le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que fausseté et interdiction dans tous les sens du terme. Ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, car c'est une innovation dans la religion, et toute innovation est égarement. Et ceux qui prétendent et ceux qui fêtent et célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont incapables d'apporter une preuve qui pourrait justifier leurs faits et gestes. Deuxièmement, cela est interdit car c'est une imitation aux chrétiens dans leur célébration de la naissance de Isa alayhi salam. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les imiter. Troisièmement, beaucoup de mal et de contradictions et d'interdits sont commis pendant ces célébrations de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La pire de ces désobéissances est le fait d'associer Allah azza wa jal autre que lui. Ceci en invoquant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou en demandant le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci également en chantant des éloges qui comportent du polythéisme à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, qu'il n'y a la raison est qu'il n'y a en islam que deux fêtes, la fête de l'Adha et la fête du Fitr. Celui donc qui innove une troisième fête en islam a alors innové en islam une chose qui n'en fait aucunement partie. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a constaté que les gens, il y avait deux jours dans lesquels les Médinois jouaient pendant ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a questionnés: que sont ces deux jours? Ils ont répondu: nous jouions pendant ces deux jours avant l'arrivée de l'islam ou envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Allah vous a remplacé ces deux jours par deux jours bien meilleurs, le jour de l'Adha et le jour de l'Fitr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنورد إن شاء الله تعالى بعض الشبهات التي يتعلق بها المحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونرد عليها بالدليل والبرهان نصحا لله ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. الشبهة الأولى التي يتعلقون بها قولهم أن الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة وإنما هو سنة حسنة، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: من سل في الإسلام سنة حسنة، الحديث. والجواب على هذه الشبهة أن السنة الحسنة لا تكون إلا لما له أصل في الدين كالصدقة مثلا، وهي التي كانت سببا في هذا الحديث. ويقال لهذا هذا الحسن الذي ادعيت أنه ثابت في هذه البدعة، هل هذا الحسن كان خافيا لدى النبي صلى الله عليه وسلم أم معلوم عنده لكنه كتمه عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه أحد من سلف هذه الأمة حتى ادخر لك علمه؟ فإن قال بالأولى فشر، وإن قال بالثاني فأطم وشر. فإن قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه البدعة فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل والعياذ بالله، وإن قال أنه صلى الله عليه وسلم كتم هذه البدعة فقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة والعياذ بالله. Nous allons citer, chers musulmans et musulmanes, quelques ambiguïtés à laquelle s'accrochent ceux qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant et en prétextant que ces ambiguïtés légitiment et justifient cette célébration. Ils disent que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une innovation, mais c'est une bonne sunnah. Et ils utilisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui apporte en islam une bonne sunnah. Le contexte de ce hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons de donner de leur bien dans le sentier d'Allah. Et voilà qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala an a apporté tous ses biens et les a apportés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a répondu, radiyallahu an, je leur ai laissé Allah et son envoyé. Et ainsi, de suite, les compagnons radiyallahu anhum ont donné chacun de leurs biens selon leurs capacités. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apporte en islam une bonne sunna, il aura alors la récompense et la récompense de tous ceux qui la mettent en pratique. Ainsi, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui apporte une bonne sunna en islam, c'est-à-dire celui qui fait revivre une pratique qui était déjà existante en islam. Car ici, Abu Bakr radiallahu anhu a fait revivre cette sunna qui est de donner dans le sentier d'Allah, qui est de donner de ses biens dans le sentier d'Allah, azawajal. Il a fait revivre cette pratique, et en faisant revivre cette pratique, les autres compagnons ont suivi après lui, ainsi il aura la récompense de son aumône et de l'aumône des autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ainsi ce hadith ne s'applique en aucunement à la célébration du prophète, de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Puis nous disons à cette personne, cette bonne sunna que tu prétends, cette bonne sunna que tu prétends être la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette sunna a échappé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il connaissance de cette sunna mais il n'a pas transmis cela à sa communauté? Et personne n'avait connaissance de cette sunna jusqu'à ce que toi, tu la découvres et que tu la mettes en pratique. S'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connaissance de cette sunna, alors il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignorant, wal'iyadhu billah. Et s'il prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de cette sunna, mais ne l'a pas transmis à sa communauté, il a alors qualifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de traître qui n'a pas transmis le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre, wal'iyadhu billah. Ainsi les deux éventualités sont mauvaises et la deuxième est pire que la première. Ashubhatu thaniya tafsiruhum qawlullah azza wa jalla قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقولون أن الرحمة في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم. والرد على هذه الشبهة أنه لم يفسر أحد من المفسرين كابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم لم يفسر أحد منهم الرحمة المذكورة في هذه الآية بأنه محمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن تفسير هذه الآية أن هذه الآية يفسرها الآية التي قبلها يفسرها الآية التي قبلها وهي قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ذلك هو القرآن الكريم. وقد فسر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن فضل الله في هذه الآية القرآن ورحمته الإسلام كما جاء في تفسير القرطبي. La deuxième ambiguïté, ils disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Yunus le verset 58 dit: ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils doivent se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ils prétendent donc que la miséricorde ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla dit par la suite: voilà de quoi ils devraient se réjouir. Ils disent donc qu'il est légiféré de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jalla, après avoir cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit et nous encourage à être joyeux et à fêter cet événement. La réponse est qu'aucun des exégètes n'a expliqué la parole miséricorde dans ce verset de Sourate Yunus par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne trouverez cela ni dans le tafsir de l'imam Nukathir, ni dans le tafsir de l'imam Nujarir, ni dans le tafsir de l'imam Al-Qurtubi et autres. Ici, en expliquant la miséricorde comme étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième réponse à cette ambiguïté est que ce verset 58 de Sourate Yunus est expliqué par le verset précédent, le verset 57, dans lequel Allah azza wa jalla dit son le sens: ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, qui est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Et ceci est le Coran. Le Coran est cette exhortation qu'Allah Azza wa Jalla a apportée aux êtres humains. Et c'est cette explication qu'ont donné notamment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sa'id al-Khudri et Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Ils ont expliqué dans le verset 58 de Sourate Yunus que le mérite cité par Allah Azza wa Jalla dans ce verset est le Coran et la miséricorde qui est l'islam. الشبهة الثالثة: يقولون أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، فلما سئل عنه قال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فيقولون في هذا اليوم نحتفل به كل على طريقته، إما بصيام أو بذكر أو صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو صدقة أو نحوها. فنقول: أما هذه الشبهة فغاية ما يدل عليه الحديث الرغبة في صيام يوم الاثنين، في صيام يوم الاثنين وقد اكتفى به عليه الصلاة والسلام، وما كفى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أمته وما وسعه يسعها، ولذلك كان شكر الله على نعمة ولادته بنوع ما شكر به صلى الله عليه وسلم إنما يكون في هذا المعنى المشروع. ومن ناحية أخرى فإن يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن يوم الاثنين الذي هو يوم مولده عليه الصلاة والسلام ومبعثه قد وافق يوم وفاته بلا خلاف بين العلماء. وعلى المشهور فإن ولادته ووفاته كانتا في شهر ربيع الأول، فلماذا يفرح الناس بولادته ولا يحزنون على وفاته عليه الصلاة والسلام؟ إذ ليس الفرح أولى من الحزن فيه، علما بأن وفاته عليه الصلاة والسلام من أعظم ما ابتلي به المسلمون وأفجع ما أصيبت به أمة الإسلام. ثم نقول إن النعمة تستوجب الشكر عليها، والنعمة الكبرى هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وليس مولده، إذ القرآن لم يشر ليوم مولده عليه الصلاة والسلام، وإنما أشار لبعثته على أنها فضل ومنة ونعمة. قال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلو كان الاحتفال بذكرى يوم مولده عليه الصلاة والسلام جائزا، لكان الأولى الاحتفال بذكرى يوم بعثته وليس ذكرى يوم مولده عليه الصلاة والسلام. Puis la troisième ambiguïté à laquelle s'accroche ceux qui célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi de chaque semaine. Et lorsqu'il a été questionné au sujet de ce jeûne alayhi salatu wa sallam, il a répondu comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim: c'est le jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel la révélation m'est parvenue. Ils disent: c'est donc un jour dans lequel chacun peut célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le jeûnant ou en faisant des rappels ou en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou en faisant des aumônes ou toute autre forme de célébration. Nous répondons quant à ce hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le fait de jeûner tous les lundis, il a répondu que c'était le jour dans lequel il est né et le jour dans lequel il a reçu la révélation alayhi salatu wassalam. Il y a comme preuve dans ce hadith l'encouragement à jeûner le lundi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de jeûner tous les lundis. Et ce qui a suffi au prophète sallallahu alayhi wa sallam suffit à sa communauté. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant envers Allah azza wa jal de par sa naissance à travers le jeûne de ce jour. Ainsi, nous devons être reconnaissants envers Allah azza wa jal de la même façon qu'a été reconnaissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir de jeûner le jour du lundi et de jeûner seulement. Également, nous répondons à ces personnes en disant que le lundi est effectivement le jour dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est effectivement le jour dans lequel il a reçu la révélation alayhi salatu wa sallam. Mais c'est également, et ceci sans divergence entre les savants, le jour où il est décédé alayhi salatu wa sallam. Et selon l'avis le plus prépondérant des savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né pendant le mois de Rabi al-Awwal et il est décédé également pendant le mois de Rabi al-Awwal. Pourquoi donc faire preuve de joie? Pourquoi donc célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas s'attrister de sa mort? Pourquoi la joie de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam prévalerait devant la catastrophe et la tristesse de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sans oublier que la mort du prophète alayhi salatu wa sallam est sans aucun doute l'une des pires épreuves, l'une des pires catastrophes qui a touché les musulmans et la communauté musulmane. Puis nous disons qu'effectivement le musulman se doit d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal vis-à-vis des bienfaits dont il nous a comblés. Et l'un des bienfaits immenses, bien plus grand que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la communauté musulmane est un bienfait bien plus immense que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jalla dans le Coran ne nous parle pas de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous parle au contraire de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il dit azza wa jalla, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux. Ainsi, s'il était légiféré de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aurait fallu célébrer de façon plus grande, de façon plus forte, de façon plus prononcée l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Mais ainsi sont les innovateurs. Ils pataugent dans leur égarement, ils pataugent dans leur contradiction et tentent tant bien que mal de désorienter les musulmans et d'égarer les musulmans à travers les différentes ambiguïtés. Ainsi, nous recommandons aux musulmans et musulmanes de ne pas prêter oreille aux innovateurs, de ne pas écouter leurs cours, de ne pas écouter leurs conférences, de ne pas assister à leurs assises, de ne pas leur laisser l'opportunité d'inculquer et de leur envoyer des flèches empoisonnées que sont ces ambiguïtés. Et ce musulman qui n'a pas forcément appris sa religion de façon approfondie serait alors une proie facile et il aurait du mal à revenir vers la vérité, sauf si Allah Azza wa Jal le comble de ses bienfaits. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا الفتن اللهم باعد بيننا وبين الفتن كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.